Thank you. Non, je suis, moi, c'est très bien. Thank you. Thank you. Thank you. Joue ça sur une martine avec des cordes bien dures, là tu t'exploses les doigts. Thank you.